La séquence suivante, nous avons avec nous Gabriel Valtchev. Bonjour. Est-ce qu'on t'entend? Ouais. Hey. Oui, on t'entend. Hey, hey. Bonjour Gabriel. Oh. Ciao Gabriel. Tu peux mettre ça. Bonjour. C'est le matin. Gabriel, ouais, est venu nous présenter un instrument qui est un instrument qui fait partie des éléments qui traversent le festival. Et je ne vais pas vous en dire plus, je vais laisser Gabriel parler. Et bonjour, alors merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Gabriel, donc. Et à la base, je suis percussionniste. Et là, en fait, j'étais allé dans un magasin de musique à Brighton. Et j'ai trouvé des chanteurs qu'on appelle. Donc c'est des sortes de petits instruments pour s'entraîner à faire les mélodies des cornemuses. Donc du coup, c'est genre un peu une cornemuse. Enfin, c'est la partie mélodique de la cornemuse qu'on utilise avec la bouche et c'est beaucoup moins fort. Et du coup, j'ai vraiment passé un super moment dans ce magasin avec ce petit chanteur. Et en plus, c'était pas très cher, donc du coup, je l'ai acheté. Et après, l'année d'après, j'en ai acheté un autre parce que j'avais trop kiffé. Voilà. Donc voilà, c'est un chanteur. Et ceux-là que j'ai, donc, c'est d'Écosse. C'est ceux des Highlands. Mais il y a plusieurs types de chanteurs. Pour les différents types de cornemuse. Voilà. Ah, et du coup, ben, en fait, pourquoi ça m'intéresse? Parce que, en fait, avec la bouche, on peut. Enfin, la cornemuse, c'est un peu un instrument binaire. Soit ça joue 0, soit ça joue pas. Donc. Non, soit ça joue 1, soit ça joue pas 0. Et là, en fait, avec le souffle de la bouche, on peut un peu contrôler la hanche, enfin l'hanche, pour la faire grésiller ou pas. Donc c'est un petit peu genre pour ça que ça m'intéresse, parce que en fait, ce qu'il y a entre le son plein et le son pas plein, ben c'est cet entre-deux que j'aime bien, où en gros ça fait un peu genre mais voilà. Et maintenant tu vas nous faire écouter qu'as-tu prévu pour nos donc j'ai prévu de vous jouer un petit peu de cet instrument. Donc j'en ai deux que j'utilise avec un bout de scotch entre les deux, parce que comme ça j'ai pas besoin de forcer avec la bouche. Sinon, en principe, quand j'en ai deux dans la bouche, après il faut que c'est galère à mettre, enfin à bien serrer, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc au début je mettais du scotch sur ma bouche, mais en fait comme j'ai un peu de barbe, ça marche pas trop. Et du coup voilà, maintenant j'ai décidé de ça. Le côté négatif, c'est que ils sont tout le temps ensemble, les deux chanteurs. Et le côté positif, c'est qu'ils sont tout le temps ensemble. C'est où? T'as trouvé pile l'entre-deux, entre le 0 et le 1. Oui, c'est de la cornemuse non binaire, quoi, un petit peu. Voilà. Et du coup, ça ressemble un peu à des aolos aussi. Alors, voilà, bah là, du coup, c'est dans le thème de parce que j'aime bien les thèmes. Donc dans le thème de ce qu'on peut retrouver ici. Après, à la base, c'est pas trop fait pour ça, mais en même temps, moi je sais pas faire de cornemuse, alors voilà. Alors on écoute maintenant cet instrument si particulier, réalisé à partir de deux chanteurs et un bout de gaffeur. Thank you. Merci beaucoup. Merci. C'était un blind test. Du coup, c'était. C'était Titanic. Oui, c'était Titanic, la version alternate take. Ok. Merci beaucoup. La Tita Take, qu'on appelle dans le milieu. Bah, merci Gabriel. Est-ce qu'on te revoit dans ces prochains jours pour une nouvelle interprétation ? Attends, mais j'ai pas fini. Ah non, bon, d'accord. Ah, mais j'avais pas compris. Très bien. Je pensais qu'on faisait des petites interventions minutes. Ah ouais, trop bien. Alors, vas-y, j'en fais une autre. Non, mais c'est génial. Sinon, on peut. Bon. Parce que sinon, on peut. Parce que là, on va bientôt faire venir Last Chulas. Okay. Et Anne-Julie Rollet pour discuter avec nous. Et du coup, si toi, tu as du temps, tu peux nous refaire un petit bout juste après. Qu'est-ce que t'en dis ? Sinon, je fais un bout maintenant et après, je m'en vais. D'accord. Allez, c'est parti. Comme ça, c'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel. Et il m'a semblé reconnaître le thème de Cro-Blanc, c'est ça ? Exactement, ouais. Oui. En si bémol. En si bémol. Ouais, j'avais. Voilà. Mais t'es fort, hein ? Oui. Merci beaucoup. C'était la Noise de chambre interprétée par Gabriel Valtcheff. Merci beaucoup. Avec des chanteurs, donc, qui sont ces instruments qui sont apparentés à la cornemuse.